Inoki Kanji, conseiller de la diète japonaise en visite en Corée, a offert un présent au maréchal Kim Jong-un. Il l'a remis le 10 septembre au conseiller de l'association d'amitié Corée-Japon, Lee Soo-yong, vice-président du comité central du Parti Travail de Corée.